serais-tu pas avec nous, avec moi? Sur la route éperdue de nos peurs, de nos joies, dans tout cet inconnu de notre terre à nous, où l'homme se débat, je prie Marie Média pour chacun d'entre nous, pour chacun. Dans nos baladins, la blancheur de tes mains.